Cinquième chapitre. Dans le vallon. Patron Ruff m'a dit « Le vallon qui passe juste sous le village, en le remontant tout droit, au bout de 2 petites heures, vous serez rendu au Puget. » Un berger de 15 ans, qui, laissant son chien faire la garde, s'amusait à tailler en figurine les nodosités baroques d'un bâton de caroubier, confirme ces renseignements. Le voyage est charmant d'abord dans ce lit de torrent qui, au loin, roule sous la brise venue de la mer, de grandes fleurs et des herbes grises. Par malheur, ni patron Ruff ni le berger ne m'ont averti d'un point important. C'est qu'un pas plus haut, l'orage, mauvais cantonnier, a laissé en route les 3 quarts au moins des cailloux roulés et des rochers que son flot boueux devait charrier à la grève. De sorte que, maintenant, ma marche vers le Puget Mort n'est plus qu'une série de périlleuses escalades à travers des cascades sèches, amas de pierrailles et de blocs traiteusement polis que rend plus glissant encore un tapis d'aiguilles de pin. Combien durèrent les 2 heures? Je l'ignore. Le temps passe vite lorsqu'on fait ce ridicule métier de s'accrocher sans repos ni trêve des pieds aux aspérités de la pierre. Des mains à quelques touffes de ciste, de lentisque, à quelques branches de figuier sauvage dont les feuilles froissées m'entêtaient de leur forte odeur. Toujours est-il que le soleil, violent encore, baissait déjà quand à un détour, le Puget Mort m'apparut. Il me semblait tout près, à portée de la main, derrière ce dernier promontoire. Mais un promontoire franchi, un autre aussitôt se dressait, puis disparaissait, laissant voir ce fantastique petit village que je m'imaginais toujours être sur le point d'atteindre et qui, à chaque fois, s'éloignait. Le paysage avait changé. Je m'en aperçus seulement à l'heure où, exténué, je m'étendis le dos dans l'herbe, sous un bloc roulé. Ce n'étaient plus les blancheurs calcaires des falaises au nord du golfe, mais comme si un antique volcan eût déversé là, s'écouler, 2 hautes murailles porphyriques dont les innombrables paillettes s'allumaient aux rayons rouges du couchant. Puis, sur ce sol de feu, où les rayons se concentraient, une végétation africaine. De grands aloès, des cactus et çà et là, martyrs écorchés, le tronc saignant d'un chêne liège. La chaleur devenue intense, comme cela arrive à la tombée du jour, faisait partout craquer les écorces, pleurer les résines et se mourir dans un crescendo exaspéré, l'aride chanson des cigales. Il faut croire que je m'endormis. Oui, je m'endormis et fis tout de suite un rêve étrange, longtemps continué, pendant lequel il me sembla vivre des années et des années. En quête de trésors cachés, je parcourus des pays inconnus, des royaumes chimériques. Mais toujours le rêve me ramenait à une vallée fermée, aux flancs couleur de feu, incrusté d'escarboucles où, souffrant d'une soif ardente, je poursuivais la chèvre d'or. J'étais sur le point de la saisir, j'apercevais distinctement à 2 pas de moi, dans un buisson, ses yeux malicieux, ses cornes qui luisaient. Un chevrotement distinct et rapproché, un léger tintement de clochette me réveillèrent. J'ouvris les yeux et crus d'abord qu'une hallucination prolongeait mon rêve. Mais non, quoique s'assombrissant de minute en minute sous le crépuscule survenu pendant ce long sommeil, je reconnaissais le paysage admiré tantôt dans sa splendeur ensoleillée. Et c'était bien une chèvre en chair et en os qui, à la cime d'une roche aiguë, les 4 pieds joints, me regardait. Ses cornes luisaient, ses sabots luisaient, sa toison avait des reflets fauves. J'avançais doucement pour la regarder de plus près, mais ma familiarité l'offensa. Elle fit un bond, disparut un instant, puis reparut sur une autre roche. À la place qu'elle quittait, où ses sabots avaient posé, la pierre rouge semblait frotter d'or. Je ne pus m'empêcher de sourire. Patron Ruf aurait-il eu tort de railler? Aurais-je, pour mes débuts dans ce pays, rencontré la chèvre d'or de la légende? Cependant, l'espiègle chèvre jaune, comme eût fait sans doute la chèvre d'or véritable, semblait m'attendre et me provoquer. J'avançai encore. Elle repartit, cornes en avant, cette fois dans un épais fourré de lentisques, où d'abord elle s'empêtra. Je la tenais déjà. Je caressais son poil rude et roux, quand d'un simple effort, rompant l'obstacle d'ébranchage, elle retomba, bondissante et libre, de l'autre côté. Quelque chose tinta. Sa clochette, sans doute, qui s'était détachée, car je trouvais sous le buisson une de ces clavettes en forme de demi-croissant dont les bergers se servent pour boucler le collier de bois que les chèvres portent au cou. Je cherchais vainement la clochette. Plus lourde, elle avait dû rebondir et rouler dans un creux où, parmi les pierres, un peu d'eau coulait. La chèvre était loin, elle courait. Piquée au jeu, intéressée par le mystère, je me mis à courir aussi, sans trop buter. Pourtant maintenant, nous suivions une manière de chemin, et j'étais déjà tout près d'elle, quand, sous la lune qui se levait, d'un dernier saut, comme par miracle, je la vis soudain disparaître dans la masse même d'un roc qui semblait barrer le vallon. En même temps, au-dessus de moi, à 50 pieds, j'entendis un bruit de voix, un son de cloche, et levant la tête, je m'aperçus au déchiquetage des toits, sur le ciel, la silhouette des gens causant, accoudés en haut d'une terrasse, que ce que j'avais pris pour un roc était probablement un village. « Hola ! » criai-je. « Est-ce ici le puget ? » ?»« Ici même, vous n'avez qu'à suivre le sentier, monter l'escalier et passer la porte. » Je suivis un étroit sentier que continuait tant bien que mal des degrés taillés dans la pierre. Je passai sous un portail bas, veuf de ses battants, mais encore surmonté de vagues armoiries. Une vieille femme m'indiquait l'auberge, et malgré les sinistres prédictions de patron Ruf, je pus, après un souper que l'appétit me fit trouver délicieux, dormir dans un lit blanc, dressé au beau milieu d'une chambrette, plus blanche encore, dont les ogives bizarres, jusqu'au moment où le sommeil ferma mes paupières, me donnèrent l'illusion d'une humble et rustique à l'Alhambra. Fin du chapitre 5 et de la première partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.